Jérémie chapitre 20. Alors Pashur, fils d'Imée, sacrificateur, qui était prévôt et conducteur dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pashur frappa le prophète Jérémie, et le mit dans la prison qui est à la haute porte de Benjamin, en la maison de l'Éternel. Et il arriva dès le lendemain, que Pashur tira Jérémie hors de la prison, et Jérémie lui dit, « L'Éternel n'a pas appelé ton nom Pashur, mais Magormis-Abib. Car ainsi a dit l'Éternel, voici, je vais te livrer à la frayeur, toi, et tous tes amis, qui tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront, je livrerai tous ceux de Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les transportera à Babylone, et les frappera avec l'épée, et je livrerai toutes les richesses de cette ville, et tout son travail, et tout ce qu'elle a de précieux, je livrerai, dis-je, tous les trésors des rois de Juda, entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront, et les emporteront à Babylone. Et toi, Pashur, et tous les habitants de ta maison, vous irez en captivité, tu iras à Babylone, tu y mourras, et y seras enseveli, toi et tous tes amis, auxquels tu as prophétisé le mensonge. Ô Éternel, tu m'as sollicité, et j'ai été attiré, tu as été plus fort que moi, et tu as eu le dessus, je suis un objet de moquerie tout le jour, chacun se moque de moi. Car depuis que je parle, je n'ai fait que jeter des cris, que crier violence et pirie, parce que la parole de l'Éternel, m'est tournée en opprobre et en moquerie tout le jour. C'est pourquoi j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, et je ne parlerai plus en son nom, mais il y a eu dans mon cœur comme un feu ardent, renfermé dans mes os, je suis là de le porter, et je n'en puis plus. Car j'ai ouï les insultes de plusieurs, la frayeur m'a saisi de tous côtés. Rapportez, disent-ils, et nous le rapporterons. Tous ceux qui ont paix avec moi, épient si je bronche, et disent, peut-être qu'il sera abusé, alors nous aurons le dessus, et nous nous vengerons de lui. Mais l'Éternel est avec moi, comme un homme fort et terrible, c'est pourquoi ceux qui me persécutent seront renversés, ils n'auront point le dessus, ils seront honteux, car ils n'ont pas été prudents. Ce sera une confusion éternelle, qui ne s'oubliera jamais. C'est pourquoi, Éternel des armées, qui sont les justes, qui voient les reins et le cœur, fais que je vois la vengeance que tu en feras, car je t'ai découvert ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il a délivré l'âme des pauvres de la main des méchants. Maudit soit le jour auquel je naquis, que le jour auquel ma mère m'enfanta ne soit point béni. Maudit soit l'homme qui apporta de bonnes nouvelles à mon père, en lui disant, un enfant mal né, et qui le réjouit si bien. Que cet homme-là soit comme les villes que l'Éternel a renversées sans s'en repentir, qu'il entende le cri au matin, et le retentissement bruyant au temps du midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle été mon sépulcre? Et pourquoi son sein n'a-t-il conçu sans jamais enfanter? Pourquoi suis-je né pour ne voir que peine et qu'ennui, et afin que mes jours fussent consumés avec honte?